Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upanyaswamy. Retraite Vipassana 2004, Centre d'Amarancy. Yesterday, I talked about Sampajanya or Sampajana, the mindfulness with clear comprehension. I also mentioned four kinds of Sampajanya. You may still remember Sattaka Sampajanya, the clear comprehension of what is of benefit. Sabbaya Sampajanya, the clear comprehension of what is suitable. Gochara Sampajanya, the clear comprehension of Yogi's domain. Asammoha Sampajanya, the clear comprehension of non-delusion. Hier, je vous ai parlé des Sampajana ou Sampajanya, l'attention avec claire compréhension. Je vous ai expliqué qu'il y avait quatre sortes de Sampajana. Vous vous souviendrez peut-être, Sattaka Sampajana, la claire compréhension de ce qui est bénéfique, Sabbaya Sampajana, la claire compréhension de convenance, Gochara Sampajana, la claire compréhension du domaine du yogi, et Asammoha Sampajana, la claire compréhension de la non-illusion. Les deux premières claire compréhension, Sattaka Sampajana et Sabbaya Sampajana, sont applicables non seulement dans le cadre d'une retraite, mais également dans la vie quotidienne. Ces deux claires compréhensions vous seront très utiles dans la vie de tous les jours. La claire compréhension de ce qui est bénéfique et la claire compréhension de convenance. Ce soir, je vais poursuivre mon enseignement à propos de la claire compréhension. Je voudrais tout d'abord rappeler aux yogis qu'il m'arrivera souvent de répéter les instructions. Mon but, c'est que les méditants réussissent à comprendre clairement. C'est ennuyeux pour le professeur de devoir toujours répéter les instructions, mais pour le yogi, c'est très important. Un méditant n'est pas un maître de méditation. Il faut inlassablement lui rappeler les instructions. En théorie, ces instructions sont très faciles. Il vous arrivera donc très souvent d'être lassé et de ne plus écouter. Mais lorsque vous pratiquerez, il est fort probable que vous soyez dans la confusion. C'est pour cette raison que je répéterai très souvent les mêmes choses au cours de mon enseignement. Voyons maintenant comment il faut appliquer la claire compréhension lorsqu'on médite. Dans le Satipatthana Sutta, les instructions sont les suivantes. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'avant, lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière, le yogi doit appliquer la claire compréhension. Ce sont donc là les instructions du Bouddha. Le méditant qui, après la séance de méditation en posture assise, s'apprête à pratiquer la marche, devra se conformer à ces instructions et il appliquera la claire compréhension pendant la marche. Il faudra tout d'abord se trouver une piste de marche. Lorsque le méditant aura fait son choix, il devra adopter la posture correcte. Le corps doit être maintenu bien droit, la tête ne doit pas pencher exagérément vers l'avant. Si elle penche trop vers l'avant, vous aurez des maux de tête. Il faut donc garder la tête bien droite. Le regard doit être dirigé vers le bas. Il ne faut pas regarder devant soi au loin. Les yeux doivent être mi-clos de façon à ne pas voir très clairement ce qui se passe autour de soi. Si vous gardez les yeux mi-clos, vous ne pourrez pas reconnaître les gens qui vous croisent. Vous focalisez ensuite votre attention sur les pieds. Vous ne vous occupez plus de l'abdomen. Pendant la marche, ce sont les pieds qui sont l'objet primaire d'attention. En posture assise, comme vous le savez, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Les mains doivent être maintenues croisées dans le dos ou devant l'abdomen. Vous pouvez les laisser pendre le long du corps si vous le voulez, mais ne les balancez pas. Vous allez commencer par faire une note à chaque pas. Vous répétez mentalement « pas gauche, pas droit ». Évitez de dire « pied gauche, pied droit ». Dites « pas gauche, pas droit ». Vous devez vous souvenir de cela, c'est très important. Ne dites pas « pied gauche, pied droit », mais dites « pas gauche, pas droit ». Le but de la méditation vipassana, c'est de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Autrement dit, réaliser anicca, dukkha et anatta, la nature impermanente, la nature insatisfaisante et la nature insubstantielle. Le Bouddha nous enseigne que tout est anicca, dukkha et anatta. Vous méditez pour voir la réalité telle qu'elle est vraiment, pour voir tout cela. Mais vous ne pourrez pas y arriver tout de suite. Il n'est pas possible de dépasser la réalité conventionnelle dès le début. Il faudra obligatoirement passer par les concepts, par la réalité conventionnelle, et noter soulèvement, abaissement de l'abdomen, pas gauche, pas droit au moment de la marche. Si vous notez très attentivement, avec beaucoup de précision, le pas gauche et ensuite le pas droit, il est possible que vous ressentiez une sensation de mouvement, même si en même temps, l'image de votre pied vous apparaît dans l'esprit. Lorsque vous observez très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est la même chose, il est possible que vous ressentiez une sensation de dilatation ou de gonflement, une sensation de dégonflement, même si en même temps, l'image de votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle vous apparaît dans l'esprit. Cette image de l'abdomen ou des pieds, c'est le concept et il n'est pas possible de s'en débarrasser dès le début. Ne vous en faites donc pas. C'est impossible de ne pas passer par la forme extérieure, par la manière. On ne dépasse ces choses que progressivement. Si vous notez pied gauche, pied droit, ce ne sera pas facile pour vous de dépasser le concept. C'est pour cette raison que je vous demande de ne pas répéter pied gauche, pied droit, mais plutôt pas gauche, pas droit. Lorsque vous pratiquez la marche, vous devez ralentir l'allure. Votre piste de marche ne doit pas non plus être trop longue. Elle doit avoir plus ou moins 5 ou 10 mètres. Lorsque vous aurez atteint la fin de votre piste, vous devrez noter la station debout. Vous répétez mentalement « debout, debout ». Gardez le corps bien droit et observez très attentivement. Observer la posture debout, c'est prendre conscience du corps dans la posture debout. Si vous notez très attentivement, il est possible que vous expérimentiez certaines choses. Il est possible d'expérimenter des sensations dans la posture debout. Ce n'est pas uniquement en marche que l'on expérimente des sensations. Lorsque donc vous serez arrivé à la fin de votre espace de marche, ne tournez pas immédiatement. Notez plusieurs fois « debout, debout » et ensuite seulement vous tournez et vous répétez mentalement « tournez, tournez ». Vous répétez cela plusieurs fois et vous vous retrouvez face à votre espace de marche. Vous observez de nouveau la station debout en répétant mentalement « debout, debout ». Si vous procédez ainsi, vous ne vous fatiguerez pas. Lorsqu'on pratique la marche, on demande au méditant de ne pas regarder ses pieds. Mais il arrive souvent qu'après quelques heures de pratique, le yogi soit très intéressé par ce qu'il expérimente et il se met alors à regarder spontanément les pieds, se disant que s'il ne le fait pas, son esprit ne va pas rester fixé sur l'objet. Il regarde donc ses pieds lorsqu'il pratique la marche. Mais ceci va forcément amener des douleurs très rapidement et le yogi va se fatiguer. Si c'est le cas, ce yogi doit observer la posture debout lorsqu'il arrive à la fin de la piste de marche. Il observe ensuite le mouvement de rotation et de nouveau la posture debout. S'il fait cela, il pourra se reposer. C'est comme s'il s'accordait un petit repos, tout en maintenant l'attention. Il faut noter chaque pas sans interruption. Bien sûr, des pensées vont apparaître. Si vous constatez qu'il y a de l'agitation dans votre esprit, vous devez vous arrêter et noter « pensée, pensée ». Il est possible également que vous éprouviez le besoin de faire un geste pendant la marche. Vous devez également vous arrêter et noter attentivement toutes les phases du mouvement. Lorsqu'on pratique la marche, il faut limiter l'attention aux pas. Il ne faut faire rien d'autre qu'observer les pas. Mais il se peut qu'à cause d'un insecte qui se trouve sur votre visage, par exemple, vous ayez envie de bouger la main. Essayez de ne pas le faire. Essayez de n'être attentif qu'aux phases du pas. Si vous faites un effort pour être attentif sans interruption aux phases du pas, votre esprit va devenir capable de noter ses mouvements sans interruption. Il va réussir à suivre le mouvement très attentivement et vous pourrez alors expérimenter toutes sortes de choses pendant la marche et vous pourrez expliquer tout cela très facilement à l'entretien. Lorsque je note pas gauche, j'expérimente ceci. Lorsque je note pas droit, j'expérimente cela. Vous pourrez parler très naturellement et très facilement de vos expériences. Vous ne devrez pas rechercher des expériences particulières. La seule chose à faire, c'est donc de suivre très attentivement et sans interruption le mouvement des pieds. Si votre esprit est capable de suivre attentivement le mouvement, vous réussirez à voir clairement. Après quelque temps, vous pourrez noter très facilement le pas gauche et le pas droit. Vous aurez l'impression de pouvoir noter sans interruption, sans faire d'effort particulier. Lorsque vous en serez arrivé là et que vous serez donc devenu capable de noter très facilement le pas gauche et ensuite le pas droit, sans être distrait, vous expérimenterez spontanément toutes sortes de choses. Vous verrez peut-être qu'il y a à chaque fois le mouvement, c'est le phénomène physique, et ensuite la prise de conscience du mouvement, c'est le phénomène mental. Mais ne vous en faites pas si vous ne le voyez pas. La compréhension, la sagesse ne vient que progressivement. Il se peut que cela prenne un certain temps et cela varie d'un yogi à l'autre. Essayez tout simplement de suivre le mouvement, pratiquez ce que l'on appelle l'attention pure. Vous devez suivre le mouvement très attentivement. Si vous ne le faites pas, vous ne réussirez pas à voir clairement. Si votre attention n'est pas développée, vous ne réussirez pas à expérimenter quoi que ce soit. La sagesse dépend de l'attention. Lorsque donc vous aurez réussi à faire une note à chaque pas sans trop penser, vous pouvez passer à la deuxième méthode et faire chaque fois deux notes à chaque pas, lever, placer. Essayez de noter ces deux mouvements très attentivement et avec précision, comme vous l'avez fait lorsque vous en étiez à la première méthode. Observez très attentivement, avec précision. Lever, placer. Il faudra ici que vous fournissiez plus d'énergie. Si vous ne fournissez pas cet effort supplémentaire, vous ne réussirez pas à maintenir votre attention pendant toute la durée du mouvement vers le haut. Et lorsque le pied va s'abaisser, vous ne pourrez pas non plus suivre ce mouvement jusqu'à la fin. Lorsqu'on en est arrivé à la deuxième méthode et qu'on fait deux notes à chaque pas, il faut fournir un plus gros effort. Si vous avez réussi à pratiquer selon la première méthode sans difficulté, cette deuxième méthode ne vous posera pas beaucoup de problèmes. Votre attention est déjà développée, votre énergie également est développée. Sadda, la confiance, s'est manifestée en vous dans une certaine mesure. Vous avez maintenant de l'intérêt pour la pratique. Vous désirez noter de façon précise. Si vous observez très attentivement, vous pourrez voir qu'avant de lever le pied, il y a l'intention de le faire. Cette intention se trouve dans l'esprit. Le pied ne s'élève que parce qu'il y a l'intention de le faire. En général, cette intention passe inaperçue. Il faut donc rappeler aux yogis qu'ils doivent essayer de noter l'intention avant de lever le pied. Ils doivent répéter mentalement « intention de lever, intention de lever ». Et ensuite seulement, ils observent le mouvement d'élévation et notent « lever ». Mais lorsqu'ils s'apprêtent à abaisser le pied, il ne faut pas noter l'intention. Il faut tout simplement observer et noter le mouvement vers le bas. L'intention ne doit être notée qu'à la première phase, lorsque le pied s'apprête à s'élever. Mais il ne faut pas la noter au moment où le pied s'abaisse. Vous faites donc deux notes à chaque pas. Vous fournissez un gros effort pour pouvoir observer avec plus de précision et vous voyez plus clairement. L'effort supplémentaire que vous avez fourni a eu pour résultat que votre vision des choses est devenue plus claire. Je répète souvent aux yogis que ce n'est pas le nombre de pas qui est important. Ce qui est important, c'est la qualité de l'attention. Si au moment où vous en étiez à la première méthode et que vous faisiez une note à chaque pas, votre attention était développée, vous n'aurez aucune difficulté à faire deux notes à chaque pas. Mais si vous avez beaucoup de pensées au moment où vous en êtes à la première méthode, si votre esprit est très agité, vous aurez ces mêmes problèmes au moment où vous passerez à la deuxième méthode. C'est pourquoi je répète souvent aux yogis qu'ils ne doivent pas trop s'occuper du nombre de phases qu'ils observent, mais qu'ils doivent essayer de développer leur attention. Si vous avez réussi à faire deux notes à chaque pas sans difficulté, vous pouvez passer à la troisième méthode et faire trois notes à chaque pas. Ceci va exiger encore plus d'énergie. La confiance s'est encore développée et vous ressentez tout naturellement le besoin d'observer plus en détail. Vous voulez maintenir votre attention sans interruption, dans l'espoir d'expérimenter l'apparition et la disparition des phénomènes. Vous en avez entendu parler dans l'enseignement, vous avez confiance et vous voulez voir clairement. Tout ceci vous fait passer très naturellement à la troisième méthode et vous observez très en détail. Vous ralentissez très fort votre allure et vous observez avec beaucoup d'attention. Il est facile de voir que les yogis qui en sont arrivés à cette troisième méthode sont très attentifs. On les voit observer le mouvement d'élévation avec beaucoup de précision. Ils font ce mouvement très lentement parce qu'ils désirent expérimenter la réalité. Lorsqu'ils avancent le pied, ils observent également avec beaucoup d'attention. Ils ne sont pas pressés et lorsqu'ils placent le pied, le mouvement est très lent également, car ils désirent observer ce mouvement dans ses moindres détails. Ces yogis se montrent très attentifs. Sati est présente chez eux à chaque instant. Ils se déplacent très lentement et observe avec beaucoup d'attention, de façon très pénétrante, le mouvement d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied. Si c'est votre cas et que vous êtes très intéressé par votre pratique, vous aurez l'impression que la séance de méditation en marche a passé très vite. Vous êtes très concentré et vous ne voyez pas le temps passer. Vous vous sentez très satisfait de votre méditation, vous ne désirez pas arrêter, vous aimeriez pouvoir continuer, vous ne vous sentez pas fatigué ni physiquement ni mentalement. Votre esprit est très vif, il peut suivre très attentivement le mouvement. Vous ne vous ennuyez pas, vous êtes intéressé par votre pratique et vous expérimentez toutes sortes de choses. Vous détenez alors Sampajana, vous expérimentez à fond les différentes phases du pas, vous comprenez parfaitement, complètement, à fond. C'est cela la signification de Sampajana, vous comprenez parfaitement, complètement, par vous-même dans votre méditation. Lorsqu'on est très attentif, l'esprit s'ouvre, il devient panoramique, on devient capable de voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'esprit est lucide et réalise anicca, dukkha et anatta, la nature impermanente, la nature insatisfaisante et la nature insubstantielle. À l'entretien, le méditant explique parfois qu'il expérimente très clairement anicca, le caractère impermanent, mais il ne sent ni le caractère insatisfaisant, ni le caractère insubstantiel des choses. Mais en réalité, ce méditant, qui est très attentif, expérimente ces choses, même si à l'entretien, il n'est pas toujours capable de l'expliquer. Il l'a expérimenté dans sa pratique, et il reconnaîtra son expérience lorsque, pendant l'enseignement, le maître de méditation explique ces choses, le méditant voit que son expérience correspond à ce qui est dit et il comprend qu'il les a expérimentées dans sa méditation. C'est donc pour qu'il puisse réaliser clairement qu'on répète inlassablement au méditant de développer son attention. Les instructions sont très simples. Mais la pratique est très difficile. Il faut toujours rappeler aux yogis comment ils doivent procéder. Lorsque vous méditez, ne recherchez rien, n'espérez rien, c'est ce qu'on vous répète inlassablement. Mais malgré tout, le méditant espère certaines expériences. Il a entendu l'enseignement, et il espère expérimenter tout cela dans sa méditation. Mais essayez de ne pas faire cela. Ne réfléchissez pas, n'espérez rien, ne recherchez rien. Je vous ai donc expliqué les paroles du Bouddha. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'avant, lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière, le yogi applique la claire compréhension. Je vous ai expliqué comment vous devez appliquer la claire compréhension lorsque vous méditez. Si vous suivez ces instructions, vous réussirez à voir complètement, clairement, à fond. Il n'y aura plus de confusion dans votre esprit au moment où vous pratiquez. Lorsqu'il pratique la méditation en marche, le yogi ne doit pas regarder de tous côtés. Il doit garder le regard dirigé vers le bas. Et si parfois il est inévitable qu'il regarde, il doit le faire en suivant les instructions. Lorsqu'il regarde devant lui, lorsqu'il regarde vers le côté, le yogi le fait avec la claire compréhension. Lorsqu'on médite en posture assise, c'est facile, on ferme les yeux, on ne voit rien. Mais lorsqu'on pratique la marche, après la séance de méditation en posture assise, il faudra faire attention de garder le regard dirigé vers le bas. Et si, malgré tout, il faut regarder, il faudra le faire en appliquant la claire compréhension. Comment allons-nous procéder ? Il faut noter regarder, regarder ou voir, voir. Ainsi, même si vous regardez quelque chose ou quelqu'un, vous n'interrompez pas l'attention. Vous continuez à observer et à noter et vous pourrez expérimenter là aussi certaines choses. Je ne vous dirai pas quoi, c'est à vous de le découvrir. Le moment n'est pas encore venu de vous parler des contacts sensoriels. Lorsqu'il étire les membres ou qu'il les ramène vers lui, le yogi doit le faire avec la claire compréhension. Pendant la méditation, il faudra parfois bouger la main. Nous essayons de rester immobiles lorsqu'on médite en posture assise. On essaie de ne bouger ni le corps ni les membres. Pendant la marche, comme je viens de l'expliquer, on garde les mains soit dans le dos, soit devant l'abdomen et on évite de les laisser balancer le long du corps. Mais il est possible, malgré tout, qu'à un moment nous ayons envie de faire certains mouvements. Imaginons par exemple qu'une démangeaison apparaisse sur le visage. Il est possible que nous aimions envie de nous gratter. Il est possible qu'on ait envie à un moment de se pencher vers l'avant. Si tel est le cas, il faut le faire avec la claire compréhension. Si vous effectuez tous ces mouvements avec la même qualité d'attention que pendant la marche, vous expérimenterez toutes sortes de choses au moment où vous effectuez ces mouvements. La sagesse va se manifester au moment où vous ramenez le bras, elle va se manifester au moment où vous étirez le bras. Il y a bien longtemps, un moine pratiquait la méditation en solitaire. Il était très assidu. Un jour, il eut de la visite. Au cours de la conversation, il oublia d'être attentif. Il bougea la main sans attention. Ayant réalisé qu'il avait bougé la main sans être attentif, sans appliquer la claire compréhension, comprenant qu'il n'avait pas noté bouger, bouger, il ramena la main vers lui et l'étendit à nouveau, avec attention cette fois. Ses amis lui demandèrent, « Vénérable, vous avez étendu la main une première fois, vous l'avez ramenée vers vous et vous la réétendue une deuxième fois, mais très lentement. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Le moine âgé leur répondit, « Depuis que je pratique la méditation, je n'ai jamais été inattentif. Mais au cours de la conversation, j'ai bougé la main inconsciemment. J'ai alors ramené la main vers moi et je l'ai étendue à nouveau, mais avec attention cette fois. » Nous devrions prendre exemple sur ce moine. Lorsque nous bougeons la main pendant la méditation, nous devons essayer d'être attentifs et de noter le mouvement. Ne pensez pas que ceci n'est pas important. Lorsque vous bougez la main, que vous vous étirez, vous devez noter très attentivement et avec beaucoup de précision si vous voulez comprendre clairement, à fond et complètement. Il faut que vous soyez attentif au moment où vous effectuez tous ces mouvements. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous tous pratiquer la méditation de façon diligente. Puissiez-vous comprendre clairement le Dhamma. Puissiez-vous tous atteindre l'illumination. We also must follow, we must take example. When we move our hand, trying to note, it is very important. We should not think it's not necessary to note when we move our hand or when we bend our hand or stretch it. Note closely and note attentively and precisely if we really want to understand clearly and thoroughly and completely. Now the time is 6 o'clock. I will stop here for today. May you be well and happy.